Ça m'a fait rire, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, hein. C'est con, on va s'en occuper. Laurent Malouda. Salut les filles, rebonjour. Je suis content parce qu'on a eu une grande gueule avec nous, hein. C'est bien, ça nous changera de notre très grande gueule de Marseille qu'on avait tout à l'heure. Il est toujours là ou pas? Bah oui, tu es ta grande gueule. Eric. C'est que je t'écoute religieusement. Mais ouais, mais t'oses plus rien dire, mon pote. C'est mon idole. Tu sais que j'ai les documents. Alors avant, de parler de ton club de cœur, là, moi j'ai vu les Lyonnais hier. Putain, ils ont foutu les jetons. Hein. Les Lyonnais hier, ils vous ont pas fait peur à vous? Ah, c'était avant-hier. Non, tu parles des Lyonnais. Ah non, tu parles des Lyonnais qui jouent au foot, toi. Ouais. Non, je te parle du gang des Lyonnais. Moi, j'ai vu l'avant-première hier. Putain, ça fait peur avec Gérard Lanvin. Ah non, parce que les Lyonnais, ils font plus peur à personne. Hein. Ah ouais, non, excuse-moi, parce que ce gang des Lyonnais là qui est sur le terrain, il fait pas vraiment peur. Parce que franchement, entre nous, Rémi Garde et Bruno Genesio, c'est pas le Pacino et Joe Pesci, hein. Comme chef de gang, à mon avis, ça va faire un petit peu juste. C'est pas de toute façon les gangs en France, c'est tu vois, parce que par rapport aux gangs de la bande à deux bords, là, ils ont fait se prendre une branlée. Non, le seul gang qui marche bien dans le foot, c'est le gangbang en France. Et encore, je connais 2-3 chefs, mais je peux pas dire les noms. Hein, Eric, toi, t'as des noms, toi? Tu les croises souvent, tu m'avais dit. Ouais, il paraît, ouais. Ouais, voilà. Bon, bref, on va pas en parler. L'OM. Alors, l'OM, alors, bien sûr, contre l'Olympiakos, c'est juste comme tes jours, on va bouffer de la feta. Puis voilà. Terminé, merci d'être venu. Alors, soi-disant, ils devaient bouffer les Grecs. Et les mecs, ils mettent même pas Gignac titulaire, alors que c'est le mec qui bouffe le plus de Grecs dans une année. C'est quand même pas très logique. Non, c'est vraiment des enfoirés. Tu te rends compte que les Grecs, sans nous, ils seraient en faillite, les Grecs. Ils auraient plus de thunes. Ils seraient obligés de rembourser leurs dettes à coup de crédit sur Finco et de payer en drague pour Mercato. Ils se retrouveraient avec une charnière centrale. Samy Traoré, Bernard Mendy, Pape Diakaté. Ils feraient moins les malins. Alors, ils pourraient quand même au moins nous laisser aller en huitième de finale. Merde, les tzatziki. C'est sans déconner, tu les sauves. En même temps, ils disent Sarkozy, supporter du PSG, on va en foutre sur la gueule de Marseille. C'était peut-être dans le deal. Hein. À mon avis, il y a un complot. Il y a un complot. Je pense qu'il y a un complot, comme d'habitude, comme pour le reste. Gignac écarté du groupe, c'est un peu la nouvelle du jour. On est tous un petit peu tristes pour une altercation avec Deschamps. Alors, ils se sont croisés dans le couloir et paraît que ça a frictionné. Bon, en même temps, c'est normal. Hein. Le couloir, il est pas non plus très large. Forcément, tu croises Gignac, ça frotte. Hein. Ben oui, non, mais les mecs. Alors, il arrive, il éclate une bouteille d'eau. Mais tu fais pas ça. Tu donnes pas une bouteille d'eau à Gignac. Il boit que du Fanta, les mecs. Merde. Alors l'autre, il tutoie Deschamps. Bah, oui, bah, il tutoie Deschamps. Attends, il tutoie le ridicule et le grotesque depuis le début de la saison. Il est plus à sa prêle, le pauvre. Alors il est écarté. Voilà. Il est écarté, du coup, bah, il est comme Loïc Ndoula. Hein. Ça va faire la même affaire. Donc lui, quand on lui a dit qu'il était écarté, il a demandé un avocat. Vinaigrette avec des crevettes et de la sauce cocktail. Parce que lui, pour se remettre ses émotions, il lui faut toujours un petit encas. Sinon, il est pas très bien là. Mais il va faire venir un huissier parce qu'il va faire constater qu'on l'a pas laissé accéder à la cantine pro. Donc c'est quand même pas très sympa. Lui, ce qu'il veut, c'est la vraie, hein, celle où il y a dessert à volonté et friand au fromage. Alors, Mbia, lui, il est complètement sous Prozac. Hein. Donc lui, c'est officiel. Il dit qu'il y a une bonne ambiance. On va gagner contre Paris. Lucho est meilleur que Pastore. Margarita va te mettre 200 millions d'euros au mercato. Non, la vraie question, c'est pas est-ce que les joueurs de foot se dope, mais où est-ce qu'ils se fournissent en skunk? Parce que moi, je veux son fournisseur à Stéphane Mbia. Il est sur une planète. Moi, je veux y habiter. J'en ai rien à foutre, même si c'est 20 mètres carrés sans jardin. Hein. Ça a l'air super génial, quoi. Oh, le mec, putain, si on l'avait eu pendant 4 ans au PSG, on aurait mieux vécu la période difficile. Et le problème, c'est que l'Olympique de Marseille, qui va vraiment pas bien entre Mbia et le reste, et Gignac, une tuile n'arrivant jamais seule. Nouveau coup dur pour l'OM. Je sais pas si vous êtes au courant, vu du classico. Il paraît que Tiene pourrait ne pas jouer le match. Il est incertain. Alors, décidément, quand ça veut vraiment pas rigoler pour Marseille, c'est les mecs, c'était leur seul espoir de pouvoir faire quelque chose. Valbuena, il se frottait les mains. Alors, putain, s'il y a qu'à Tiene, non, il jouera pas. Terminé, merci d'être venu. Christophe Boucher reprochait à Eric Dimeco. Il te reprochait, Eric, de pas être qualifié pour je sais pas quoi, tout ça, machin, d'être en compte, de dire à un Marseillais qu'il est pas qualifié après le match qu'ils ont vécu hier, quoi. Tu crois que c'est pas rebuer le couteau d'appui? Bien sûr, t'inquiète pas, t'es pas tout seul. À bientôt, vous serez plein de Marseillais à pas être qualifiés, hein, Eric. Hein. Donc, ne t'inquiète pas, t'as juste une semaine à attendre. L'Italie, alors je sais pas, j'ai une petite, parce qu'après j'ai ma chanson, donc je préfère, j'ai une dernière petite, un petit hommage aux Italiens. Je sais pas, vous avez vu que les juges italiens ont demandé à Cristiano Ronaldo de venir en témoin de moralité pour Berlusconi dans l'affaire des putes de luxe. Cristiano Ronaldo pour la moralité de Berlusconi dans les putes de luxe. Je veux, ils veulent pas faire venir Tapie pour témoigner de son honnêteté à Berlusconi aussi, tu vois. Tu vois, Généreux Séguier sur son style des fringues, ou alors à Paganelli sur son niveau d'anglais, tu vois. Ils peuvent bien, vraiment bien témoigner, tu vois. Enfin bref, moi de toute façon, moi je dis ça, mais je l'adore Bernard Tapie, que sans lui on se serait pas autant marré. Et je voulais terminer sur une petite chanson avec un hommage à un grand joueur, parce qu'on parle quand même de joueurs depuis le début de l'émission. Il y en a qu'on, quand même, parler des grands joueurs, c'est pas mal. Et sur une chanson disco de la fin des années 70, début 80. C'est parti. T'es plus fort qu'André Ayew, plus beau que Benoît Giroud. Une antilope à deux pattes. Tu nous rappelles Fabrice Pancrate. Vivacité imparable. Comme Cluzet dans Intouchable. Néné Pastor, c'est du vent. Pourquoi t'es toujours remplaçant? Hey! Hey oui, il arrive, accélération! Accélération sur le côté droit, oui! Il est seul face au but! Ah, il va marquer! Ah non! I love you, Baebek! Vas-y, fonce, t'es le plus fort! I love you, Baebek! Encore un petit effort! I love you, Baebek! T'auras le talon d'or! Bec, t'es un noir cocanu. I love you, Baebek. Qu'aurait perdu la vue. I love you, Baebek. Les gradins, c'était bu. Hey, encore. I love you, Baebek. Avec les Qataris. I love you, Baebek. L'avenir te sourit. I love you, Baebek. Une mascotte à Paris. Merci, bonsoir.